إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs de la radio Sunna, on loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité en ce jour cette nouvelle assise. Il n'y a pas de doute que le jeûne fait partie des meilleures des œuvres, car lorsque le serviteur jeûne, il fait prévaloir l'agrément de son Seigneur subhanahu wa ta'ala au désir de son âme. Le jeûneur, il interdit donc à son âme et à sa propre personne la nourriture et la boisson, ainsi que d'autres choses parmi les désirs et que son âme souhaite durant la journée. Et il se peut qu'il ait un grand besoin de ces choses qu'il délaisse, comme la personne assoiffée qui a besoin de l'eau, ou encore celui qui est affamé, qui a un grand besoin de nourriture et qui malgré ça, il délaisse la nourriture et la boisson, alors qu'il a la possibilité de manger et de boire, que la nourriture et la boisson sont entre ses mains et devant ses yeux, mais malgré cela, il les délaisse par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et recherchant son agrément subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur, il se rapproche donc de son Seigneur en délaissant les choses qu'il désire et les choses auxquelles il est habitué. Et c'est pour cela que le jeûne fait partie des œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, selon la traduction des sens rapprochés, « Le jeûne est à moi et c'est moi qui en accorde la rétribution. Le jeûneur délaisse ses désirs, sa nourriture et sa boisson pour moi. Certes, l'haleine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. » L'haleine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Lorsque la personne jeûne, durant la journée, étant donné que son ventre est vide, il a certes une haleine qui n'est pas agréable pour les gens. Cependant, cette odeur-là, elle est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est plus agréable pour Allah subhanahu wa ta'ala que quoi ? Que l'odeur du musc. Pourquoi ? Car cette haleine, c'est le fruit de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des traces de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. C'est pour cela qu'elle est bonne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle est répugnante pour les gens. Et ceci nous montre donc un des mérites du jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à la communauté de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 183 de Surat al-Baqarah, « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoon. » Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Le jeûne a été prescrit, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à cette communauté le jeûne, et il en a fait un des piliers de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés au jeûne et il nous a encouragés même au jeûne surérogatoire, en plus du jeûne obligatoire. Et ce car le jeûne est une adoration aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur multiplie le jeûne. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde envers ses serviteurs, il leur a allégé la tâche et il ne l'a rendu obligatoire que durant un seul mois dans l'année. Le jeûne n'est donc obligatoire que durant un seul mois dans l'année. Les 11 autres mois de l'année, tu es libre de rompre ou de jeûner. Si tu souhaites jeûner afin d'augmenter tes récompenses, alors il t'est permis de jeûner ce dont tu as les capacités. Donc le serviteur, tout au long de l'année, il est libre de jeûner les 3 jours blancs ou encore les lundis et le jeudi, ou encore les premiers jours de Dhul-Hijja, le jour de Arafat, le jour de Ashura, un jour avant ou un jour après, et autres parmi les formes de jeûne surérogatoire. Cependant, il n'est pas permis de jeûner tout au long de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas de ses serviteurs qu'ils jeûnent tout au long de l'année, car il y a en cela une difficulté pour eux. Donc, il a légiféré que tu jeûnes et que tu rompes. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait et rompait tout au long de l'année. Il jeûnait jusqu'à ce que les gens disent qu'il ne rompt pas. Et il rompait jusqu'à ce que les gens disent qu'il ne jeûne pas. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup et également qu'il rompait beaucoup au long de l'année. Et ceci est sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que le jeûne est une adoration aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est important pour le jeûneur de réformer son attention lorsqu'il jeûne. Et qu'il ne jeûne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir l'intention de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce jeûne et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois patienter sur ce que tu rencontres comme difficulté à travers ce jeûne. Que ce soit la soif, la faim, la fatigue ou autre difficulté que tu peux rencontrer, tu dois patienter sur cela car tu es dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le jeûne ne consiste pas seulement à délaisser le fait de manger et de boire, de délaisser la nourriture et la boisson, mais il est bien plus large que cela. Tu dois, durant le jeûne, délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ton ouïe doit jeûner avec toi et tu dois préserver ton ouïe d'écouter toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il ne t'est pas permis durant le jeûne d'écouter les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, comme la médisance, le colportage ou encore la musique et toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Ceci est interdit tout au long de l'année, mais durant le jeûne, l'interdiction est encore plus stricte, car ceci porte atteinte à ton jeûne. Lorsque tu fais une chose interdite durant ton jeûne, ceci lui porte atteinte. Ceci porte atteinte à ton jeûne et c'est pour cela que leur interdiction est encore plus stricte durant le mois de Ramadan et lorsque tu jeûnes. De la même manière, tu dois préserver ta langue de toute parole interdite. Préserve ta langue de la médisance. Préserve ta langue du colportage. Préserve ta langue des paroles vulgaires, des insultes ou autres, ou des paroles mensongères. Ceci est interdit tout au long de l'année. Mais comme on a dit, durant le jeûne, l'interdiction est encore plus stricte. Le péché est encore plus grave, car tout ceci porte atteinte à ton jeûne. Tu dois donc préserver ta langue de toute parole interdite. Et parmi les choses importantes à souligner, et qui échappent à beaucoup de personnes, c'est que cette langue, tu dois la préserver lorsque tu es dehors avec les gens, lorsque tu es à la mosquée, lorsque tu es avec tes amis, mais également lorsque tu es dans ton foyer. Il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils rentrent chez eux, il leur est permis de délier leur langue, il leur est permis de médire, il leur est permis de colporter, de mentir, de prononcer des propos obscènes et vulgaires ou autres, parce qu'ils sont dans leur foyer. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit ces choses lorsque tu es dehors et lorsque tu es chez toi. Tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala en secret et en public. Et la médisance, le colportage, le mensonge, les propos vulgaires, ils sont interdits lorsque tu es avec tes amis et lorsque tu es avec ta famille. Ils sont interdits lorsque tu parles avec des gens que tu ne connais pas, mais également lorsque tu parles avec ton épouse, lorsque tu parles avec tes parents, lorsque tu parles avec tes frères et sœurs. Tout ceci est interdit. Il n'est pas permis de médire que ce soit avec les gens de dehors ou avec les gens de ta famille. De la même manière, le jeûneur, il se doit de préserver sa vue. C'est-à-dire que tu dois prendre garde à ne pas regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Comme le fait de regarder les femmes ou que les femmes regardent les hommes ou encore de regarder des images de personnes dénudées et autres parmi les choses obscènes qui sont propagés aujourd'hui, malheureusement, sur les écrans de télévision ou encore à travers Internet et les réseaux sociaux. Tu dois donc prendre garde à cela. Préserve ton jeûne en délaissant le regard de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et ce, tout au long de l'année. Mais durant ton jeûne, habitue-toi à cela encore plus. Car sache que lorsque tu jeûnes, le péché est encore plus grave et l'interdiction est encore plus stricte. Il se peut qu'une personne jeûne, qu'elle soit affamée qu'elle soit assoiffée et qu'elle soit très fatiguée, mais qu'elle n'ait aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son jeûne. Pourquoi ? Car il a délié sa langue par des propos interdits. Il a libéré son regard sur des choses qu'il n'a pas droit de regarder. Il a tendu son oreille vers des choses qu'il n'a pas le droit d'entendre. Alors celui-ci, en réalité, il n'a pas jeûné. Il a seulement délaissé la nourriture et la boisson. Et il s'est fatigué sans aucun bénéfice. Car le jeûne, en réalité, comme on l'a dit, il englobe l'ensemble de ces choses. Ton ventre doit jeûner de la nourriture et de la boisson et de toutes les choses qui peuvent annuler le jeûne. Mais également, tu dois faire jeûner ton ouïe de tout ce qui est interdit. Tu dois faire jeûner ton regard de tout ce qui est interdit. Et tu dois faire jeûner ta langue de la prononciation de toutes les paroles obscènes ou les choses interdites. Donc, l'ensemble de ton corps doit jeûner. Ta main et tes pieds doivent jeûner en ne faisant avec ta main et tes pieds que des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisées. Le jeûne est donc une adoration immense. Et lorsque l'homme entre dans le jeûne, il se doit de s'écarter de tout ce qui n'est pas en adéquation avec le jeûne. De la même manière que le pèlerin, lorsqu'il rentre en état de sacralisation pour le hajj ou la umra, lorsqu'il entre en état de sacralisation, il y a des choses qui sont interdites pour lui, alors qu'elles étaient autorisées avant les haram, avant qu'il entre en état de sacralisation. De la même manière, lorsque tu jeûnes, cette nourriture et cette boisson, elles étaient permises pour toi avant que tu commences à jeûner. Durant la nuit, il t'est permis de boire ou de manger. Et tu t'en prives durant la journée, recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pose-toi la question. N'est-il pas plus important de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit pour toi tout au long de l'année, durant la journée de Ramadan, comme durant ces nuits? Il n'y a pas de doute que ceci est une grande importance. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela dans un hadith. Et lorsqu'il a dit, il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Et il se peut que quelqu'un qui prie la nuit n'obtienne de sa prière que la fatigue. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Tu dois donc préserver ton jeûne et préserver ton ouïe, préserver ta vue et préserver ta langue de toute chose interdite durant le jeûne. Et c'est ainsi que tu accompliras un jeûne aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois prendre soin de ton jeûne et t'écarter de tout ce qui pourrait lui porter atteinte. Même si une personne transgresse envers toi, t'insulte ou autre, tu ne dois pas lui répondre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si quelqu'un t'insulte ou te dénigre, tu lui dis alors, je suis jeûneur, je suis jeûneur. Tu ne lui réponds pas, tu ne lui rends pas l'appareil, mais tu lui dis, je suis jeûneur. Donc, il n'y a pas de doute que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit de répondre à celui qui t'insulte, alors que dire de celui qui transgresse envers les gens durant les jours de Ramadan? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le jeûne, mes frères, est donc une adoration immense, qu'il est obligatoire de préserver, qu'il est obligatoire de respecter. Lorsque tu jeûnes, tu ne dois pas être comme durant les jours où tu ne jeûnes pas. Ton jour de jeûne, il doit se distinguer des jours où tu ne jeûnes pas. C'est-à-dire que ta crainte d'Allah et ta peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit augmenter durant les jours où tu jeûnes. Tu dois t'écarter encore plus des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu jeûnes, et surtout durant le mois de Ramadan, et ce afin que ton jeûne ne soit pas une fatigue de laquelle tu ne tireras aucun profit. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister durant ce mois, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement de tout ce qu'il aime et agrée, et le délaissement de tout ce qu'il déteste et qu'il réprouve. Wa sallallahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.